Écoute. Oui, c'est le cas de le dire. Vous allez écouter maintenant avec attention les expressions imagées introduites dans les phrases suivantes. Ah, si j'étais riche. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais riche? Je voyagerais beaucoup. Je visiterais toutes les capitales de tous les pays. Et je descendrais dans les plus grands hôtels. Ah, tu aimerais vivre dans le luxe? Oui, comme beaucoup d'ailleurs. Pas toi? Ma foi, si. Pour l'instant, malheureusement, je ne peux pas me payer le luxe de jeter toutes mes économies par les fenêtres. Tu n'as plus faim? Si. Alors pourquoi ne manges-tu pas un autre morceau de cet excellent gâteau? Je ne veux pas. Comment tu ne veux pas? Il n'est pas bon? Il est excellent, mais je ne peux pas me payer le luxe d'en reprendre. Je le vois très fragile. Tu as vu ce type là-bas? Au fond du restaurant? Oui, tu as vu? Il mange et il boit jusqu'à plus soif. Ah, jusqu'à plus soif, oui, c'est le cas de le dire. Allez, dépêche-toi, nous allons manquer l'autobus. Encore une minute, s'il te plaît. Je voudrais faire un autre tour. Mais tu as déjà vu 3 fois tous les tableaux de cette exposition. Je veux les admirer jusqu'à plus soif. Je ne viens pas à Paris tous les jours, moi. Non, vraiment, ce musée n'a rien d'extraordinaire. C'est vrai, je m'attendais moi aussi à quelque chose de plus intéressant. Nous resterons sur notre soif. Que veux-tu que je te dise? Conversation. Fais-le. Monsieur, votre valise, je vais la poser ici. Madame, mettez aussi... Ce que j'aimerais pouvoir dormir une nuit, une seule nuit dans un palace. Rien n'est jamais impossible dans la vie. D'accord, mais pour le moment, c'est hors de question. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas gagné à la loterie, moi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est une question de mentalité, c'est tout. Si tu as vraiment envie de passer une nuit ou deux dans un hôtel de luxe, il suffit simplement que tu décides de passer quelques jours bonjour, à Paris monsieur et pas un Adam. Mois entier, bien comme tu avais prévu. Ça fait plaisir de et dépenser vous toutes mes économies pour une chambre, alors qu'il y a 1000 choses à faire, 1000 choses à voir et 1000 choses à acheter à Paris. C'est bien ce que je viens de te dire. C'est une question de mentalité, de principe. Moi, à ta place, j'essayerais. Je suis sûr que non. Ah, je t'assure que oui. Si mon rêve, c'était de séjourner quelque temps dans un palace, je te jure que je le ferais. Alors fais-le. Mais ça ne m'intéresse pas. Et qu'est-ce que tu aimerais faire, toi? Escalader le Mont Blanc. Fais-le, alors. Je vais le faire. Madame, bientôt. Vous voulez mettre votre valise? Quand? Bientôt, le mois prochain. Ça doit coûter une fortune. L'équipement, l'hôtel, le restaurant. Pas plus que quelques nuits au Ritz. Tu as peut-être raison. Ah, je m'y vois déjà. Madame, votre les portiers en grande aussi, tenue, si les garçons d'ascenseur, des centaines de femmes et de chambre. Bonne journée. Oui, tu as raison, je vais y penser. Pour m'ouvrir l'appétit. Garçon, le menu, s'il vous plaît. Le menu touristique ou les spécialités locales? Tout. Apportez-moi le menu touristique et les plats du jour. J'ai une de ces faims. Voilà, monsieur. Alors, vous m'apporterez, pour commencer, ce hors-d'œuvre et celui-là aussi. Une entrecôte et le lapin à la moutarde. Du riz et des pommes frites. Et pour terminer, des crêpes au Grand Marnier, des fraises, une tranche de tarte aux pommes et un café. Monsieur désire que je lui apporte tous ces plats? Oui. J'ai l'estomac dans les talons. Et en plus, je suis un gros mangeur. Alors, vous pouvez imaginer. Bien. À votre service, monsieur. Et comme vin? Du vin? Non, pas de vin. Je préférerais une bonne bière. Une bière, monsieur? Oui. Je vous ai dit que j'aimais bien manger, mais je ne suis pas un gourmet, moi. Je suis un gourmand. Bien, monsieur. Ah, autre chose. Oui? Avec le hors-d'œuvre, apportez-moi aussi une petite salade niçoise pour m'ouvrir l'appétit. Bien, monsieur. Et avec les frites, n'oubliez pas la mayonnaise et le ketchup. Mayonnaise et ketchup, c'est tout? C'est tout, oui. Vous êtes bien sûr, monsieur? Tout à fait sûr, oui. Alors, bon appétit. On ne sait jamais. Je n'ai jamais été invitée à aucun vernissage. Et je ne sais pas comment m'habiller. Aide-moi! Mais ça va très bien comme ça. On m'a dit qu'il y aura la télé. Et alors? Je ne peux pas passer à la télé habillée comme je suis, voyons, je serais ridicule. Mais ce n'est pas toi qu'on va filmer, rassure-toi. On filmera les tableaux qui sont exposés, on interrogera l'artiste et les personnalités qui sont présentes. Je sais bien, je ne suis pas stupide, voyons. Mais la caméra filmera le public, rapidement peut-être, mais tu verras qu'elle le fera. Personne ne te reconnaîtra. On ne sait jamais. Mais enfin, c'est la télévision française qui diffusera l'émission. Et tous tes amis habitent en Italie. Qu'est-ce que tu racontes? Et puis tu devrais te dépêcher maintenant. Sinon, nous allons vraiment nous faire remarquer à cause de notre retard. Allez, vite, vite! Exercice. Dictée. Le Paris d'il y a 350 ans, virgule, le Paris du 15e siècle, était déjà une ville géante. Point. Nous nous trompons en général, virgule. Nous autres Parisiens, virgule. Sur le terrain que nous croyons avoir gagné depuis. Point. Paris, virgule, depuis Louis XI, virgule, ne s'est pas accru de beaucoup plus d'un tiers. Point. Il a, virgule, certes, virgule, bien plus perdu en beauté qu'il n'a gagné en grandeur. Point. Unité 75. Prise de parole. Ah, si j'étais prince! Vous allez écouter et répéter les phrases suivantes, dont l'argument principal sera l'argent. L'argent, toujours l'argent. Mais il y a bien autre chose dans la vie, tu ne crois pas? Oui, d'accord. Mais pour avoir les autres choses dont tu parles, l'argent, c'est important. Et tu n'as jamais entendu dire que l'argent ne fait pas le bonheur? Ah, si j'étais prince et toi princesse, ou comte et toi comtesse, ou duc et toi duchesse. Au diable, toutes nos préoccupations pécuniaires. C'est vrai, être riche de naissance, ça doit être merveilleux. Ce sera pour une autre fois, dans une autre vie. Tu aimerais, toi, être rentier? Mais bien sûr, voyons. À qui cela ne plairait-il pas? Avoir des revenus périodiques sans rien faire. J'ai un service à te demander. Je suis un peu à court d'argent. Oui? Tu ne pourrais pas me prêter un peu d'argent? C'est la troisième fois que tu essaies de m'emprunter de l'argent. Je suis économe, c'est vrai. Généreux, c'est vrai aussi, mais pas fou. Je ne prêterai jamais un sou à quelqu'un qui passe tous ses après-midi sur les champs de courses. Tu as changé de boulot? Que fais-tu maintenant? Je suis économe dans un collège. Papa, j'ai besoin que tu m'avances un peu d'argent. Combien veux-tu, fiston? 200 francs, ça ira. Tiens, mais n'oublie pas de me rembourser. Bien sûr, le mois prochain, je ferai attention à mes économies et je ne les dépenserai plus à tort et à travers. Mais souviens-toi, papa, que de toute façon, plaie d'argent n'est pas mortelle. Comme tu es avare, avare et grippe-sous. Et en plus, tout ce que tu le fais moyennant finance. Quelle sale mentalité! Prise de parole. Mon premier million. Voici quelques phrases sur la manière de faire des économies. Regarde, je viens d'empocher mon premier salaire. Allez, je t'invite au restaurant ce soir. C'est ton premier salaire? D'accord. Mais ne gaspille pas ton argent. et pense tout de suite à mettre quelque chose de côté pour tes vieux jours. Mais maman, je n'ai que 20 ans. Ils sont encore loin, mes vieux jours. Je viens d'ouvrir un compte en banque au nom de ma fille. Elle pourra y déposer ses premières économies et ses rentrées d'argent extra. Excellente idée. Tiens, tu verseras cette petite somme sur son compte, de ma part, pour son anniversaire. Ce soir, j'invite tout le monde au cinéma. Moi, je ne peux pas ce soir. Je dois faire un extra au bureau. Nous ferons un extra ce soir. Nous dînerons au champagne pour fêter mon premier million gagné tout seul, grâce à quelques actions que j'avais achetées et que j'ai su revendre au bon moment. Tu as su faire travailler ton argent. Et il faudra engager un extra pour la fête de ce soir. Qui s'en occupe? La bourse? Moi, je n'y comprends rien. Les fluctuations du marché, les cotations des titres, la spéculation. Et en plus, il faut suivre cela de très près, tous les jours. Tous les jours, oui, et toute l'année. Ce sera un mauvais hiver, un mauvais printemps, un mauvais été et un mauvais automne cette année. Qu'est-ce qui te rend si pessimiste aujourd'hui? Les cotations de la bourse. Je viens de perdre une fortune. Demain, je vends toutes mes actions et on n'en parle plus. Prise de parole. La saison des soldes. Voici quelques phrases sur les achats qu'on pourrait avoir envie de faire avec des économies. Gagner de l'argent et faire des économies, c'est bien. Mais l'argent, il faut aussi le dépenser, sinon à quoi ça sert? Et qu'est-ce que tu aimerais acheter? Je rêve depuis longtemps d'avoir un magnétoscope. Mon portefeuille est complètement vide. Il va falloir que je songe sérieusement à faire des économies si je veux acheter l'encyclopédie de littérature. Elle coûte plusieurs millions, si je me souviens bien. 2 millions, oui. C'est un monument. Quand j'aurai le portefeuille des affaires étrangères, je pourrai peut-être enfin mettre un peu d'argent de côté. Tu es optimiste, toi. Pourquoi? Un ministre reçoit un très bon salaire. Non, je ne pensais pas au salaire, mais à la fonction. Je devrais renouveler ma garde-robe, mais j'attendrai la saison des soldes pour pouvoir acheter à bon marché. Moi, je dois changer l'armoire de ma chambre. Tu en as de la chance. Il y a un magasin près de chez moi qui vend des meubles à prix coûtant. J'ai l'intention d'acheter une nouvelle voiture. Une voiture neuve ou une voiture d'occasion? Une voiture flambant neuve, que je paierai en argent liquide. Est-ce que vous acceptez les cartes de crédit dans votre magasin, madame? Les cartes de crédit, non. Mais si vous voulez payer avec un chèque, il n'y a aucun problème. Prise de parole. Vivre à Monaco. Vous allez maintenant écouter et répéter quelques phrases sur les impôts. Tu veux m'aider à remplir ma feuille d'impôt? Je n'y comprends rien. Mon Dieu, c'est vrai. Il faut moi aussi que je fasse ma déclaration. J'avais complètement oublié. Lorsque tu rempliras ta feuille d'impôt, il faudra faire bien attention à spécifier tous tes revenus et à ne pas faire d'omission. Le fisc ne pardonne pas aux contribuables négligents. Je pourrais faire quelques déductions? Je ne sais pas, moi. Est-ce que tu as quelqu'un à charge chez toi? Mes enfants et ma belle-mère? Alors oui, il y a un paragraphe qui te concerne dans les déductions à effectuer. Ah, si je pouvais frauder le fisc! Et de quelle manière veux-tu le frauder, le fisc? Je ne sais pas, moi. Par une dissimulation de la matière imposable, par un travestissement d'opération, ou par une sous-estimation des valeurs. C'est un risque que moi, à ta place, je ne prendrai pas. L'évasion fiscale, mon vieux, ça coûte très très cher. Tu te souviens du fameux proverbe « Tel est prix qui croyait prendre ?» Tu sais ce qu'on pourrait faire ? Quoi ? Vivre à Monaco. À Monaco ? Ou en Andorre ? En Andorre ? Et pourquoi veux-tu aller si loin ? Ce sont ce qu'on appelle des paradis fiscaux. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a des facilités fiscales. Écoute. Pas un rond, pas un radis. Vous allez écouter maintenant quelques phrases empruntées à un langage plus familier. Je n'ai plus de fric. Tu peux m'avancer quelques francs ? Je te les rendrai à la fin du mois, quand j'aurai mon salaire. Mais tu n'as jamais de fric, toi. Et c'est toujours à moi que tu viens en réclamer. J'en ai assez à la fin. Change de portefeuille, mon vieux. Le tien doit être plein de trous. Le pognon. Y a pas que ça dans la vie. Non, mais moi, je me sens bien mieux quand j'ai un peu de blé à disposition. Quelle vie ! Je suis à court d'oseille. Encore ? Je suis fauché. Je n'ai pas un rond, pas un radis, pas un sou vaillant. Comment veux-tu que je te le dise ? Mais ton compte en banque est toujours à découvert, alors ? Non. Comment non ? Je n'ai plus de compte en banque. Comment fait-il, celui-là, à changer de voiture tous les ans ? Pourquoi ? C'est son droit. Mais c'est un sans-le-sou, voyons, tout le monde le sait. Mes dernières vacances à Chamonix m'ont coûté les yeux de la tête. Combien ? 3 briques pour 2 personnes. Et pour combien de jours ? Une semaine, une petite, toute petite semaine. C'est de la folie ! Conversation. Demain matin. Je suis ruiné. Comment ça, ruiné ? Les impôts. Il ne faut quand même pas exagérer. Bien sûr, c'est un coup dur pour le portefeuille, mais ce n'est pas la fin du monde. J'ai voulu être plus malin que les autres, et j'ai essayé de frauder le fisc. Tu as essayé de... De frauder le fisc, oui. Voilà plus de 3 ans que je fais des déclarations incomplètes ou que je fais des travestissements d'opérations. 3 ans ? Oui. Et ils viennent de s'en rendre compte, c'est ça ? Exactement. L'évasion fiscale, ça coûte cher. Exactement. Je dois verser une amende de plusieurs millions à l'État. Il y a là de quoi te faire passer l'envie de recommencer. Plusieurs millions, tu te rends compte ? Combien exactement ? 12. 12 millions ? Oui. Et bien sûr, tu ne disposes pas de cette somme. Si. Alors, je ne vois pas où est le problème. Cet argent m'aurait servi à faire le tour du monde. Ça fait 20 ans que j'en rêve. C'est un beau rêve, d'accord, mais ce sera pour une autre fois. J'ai bien peur que oui. Et maintenant, il va falloir que j'annonce ça à ma femme. Ah, elle n'était pas au courant ? Bien sûr que non. Elle m'aurait jamais permis de le faire. Et tu as l'intention de lui annoncer la bonne nouvelle ce soir ? Ce soir, non. Il y a un match de foot à la télé, elle me gâcherait tout. Demain matin. Bonne chance, alors. J'en ai besoin. Bonnes habitudes. On peut quand même pas passer sa vie à faire des économies. Non, mais il faut que tu penses à tes vieux jours. Tu es en train de parler comme ma mère. Cela signifie que j'ai raison. Tu viens d'empocher ton premier salaire et tu as l'impression d'être le roi du monde. C'est normal. Et il est normal aussi que tu t'offres quelque chose. Un disque, un livre, une soirée au théâtre ou au cinéma. Mais si tu commences à jeter ton argent par la fenêtre et à tout dépenser, tu ne t'en sortiras jamais. Mais c'est mon premier salaire. Justement, il faut prendre tout de suite de bonnes habitudes. Quand commenceras-tu à faire des économies ? À ton 2e salaire ? À ton 3e ? À ton 10e ? Quand ? Je ne sais pas, je verrai. Jamais. Tu ne feras jamais d'économies dans ces conditions. Enfin, c'est toi qui décides. On ne va pas se disputer pour si peu, tu ne crois pas ? Tu veux boire quelque chose ? C'est toi qui offres. C'est un choix. L'argent ne fait pas le bonheur, plaie d'argent n'est pas mortel, j'ai le sentiment que les proverbes sont faits pour les sans-le-sous. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es levé du pied gauche ce matin? Je viens d'avoir une terrible scène de ménage avec ma femme. Elle me reproche de ne penser qu'au travail. Elle dit que ma seule préoccupation, c'est de gagner le plus d'argent possible et que le reste ne me touche pas. Elle a raison? Oui, bien sûr qu'elle a raison. Mais s'il n'y a personne dans la famille pour faire de l'argent, alors je me demande où on finira. Elle voulait peut-être dire qu'elle serait plus heureuse si tu pouvais passer plus de temps avec elle. Même si vous ne roulez pas en Jaguar et même si vous n'avez pas de villa à la mer ou à la montagne. Oui, mais si je travaille moins, nous ne pourrons même pas nous payer un week-end à la campagne. C'est un choix, l'amour ou l'argent. Et toi, qu'est-ce que tu as choisi? Moi? Rien. Comment rien? Je ne suis ni marié, ni fiancé, et je suis au chômage. Exercice. Dictée. Comme nous nous éloignons du bureau de tabac, virgule, mon ami fit un soigneux triage de sa monnaie, point virgule. Dans la poche gauche de son gilet, il glissa de petites pièces d'or, point virgule. Dans la droite, virgule, de petites pièces d'argent, point virgule. Dans la poche gauche de sa culotte, virgule, une masse de gros sol, virgule, et enfin, virgule, dans la droite, virgule, une pièce d'argent de 2 francs qu'il avait particulièrement examinée, point. Ouvrez les guillemets. Singulière et minutieuse répartition. Point d'exclamation, fermez les guillemets. Me dis-je en moi-même. Point. Exercice. Le maître de maison s'est montré un hôte accueillant et généreux. La maîtresse de maison s'est montrée une hôtesse accueillante et généreuse. C'est un très bel homme et aussi un brillant avocat. C'est une très belle femme et aussi une brillante avocate. Brigitte adore les animaux. Elle a plusieurs chiens et chats, un singe, un cerf, un petit éléphant mâle et bien sûr des phoques. Brigitte adore les animaux. Elle a plusieurs chiennes et chattes, une guenon, une biche, un petit éléphant femelle et bien sûr des phoques. Je dois inviter ma famille, mon beau-père, mon gendre, mon parrain, mes petits-fils et 2 cousins. Je dois inviter ma famille, ma belle-mère, ma bru, ma marraine, mes petites filles et 2 cousines. L'histoire nous parle beaucoup de rois, dauphins, princes, ducs, comtes, maréchaux ou ambassadeurs. L'histoire nous parle beaucoup de reines, dauphines, princesses, duchesses, comtesses, maréchales ou ambassadrices. Mon patron a engagé de nouveaux employés. Ma patronne a engagé de nouvelles employées.